Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. On est en direct du Salon international du livre de Québec. On est en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec également pour une édition toute spéciale avec vous également en ondes jusqu'à 19h, exceptionnellement cette semaine sur les ondes donc du 89.1 CKRL. Raymond Poirier au micro. Un plaisir évidemment de vous retrouver ici, de vous retrouver aujourd'hui avec une émission d'ailleurs bien remplie, bien chargée au fil donc de la prochaine heure. Notamment, on aura l'occasion de discuter avec Jean-Claude Fournier, donc qui s'est illustré, entre autres, sur la production d'albums de Spirou. On va également jaser avec Adam, créateur, dessinateur de Game Over. On va discuter avec Guillaume Long, scénariste et dessinateur du blog À boire et à manger. Et également, dans quelques instants, on aura l'occasion d'échanger avec Grégoire Rosinski, qui est l'illustrateur, qui est le dessinateur de la série Torgal. Et puisqu'il est avec nous ici dans l'espace du festival et du salon du livre, ben on se lance immédiatement avec cette rencontre. Grégoire Rosinski, bonjour. Bonjour. D'abord, en fait, peut-être situons un peu l'univers de Torgal. C'est un univers, en fait, je pense que beaucoup de lecteurs connaissent, que beaucoup de lecteurs lisent. Et c'est aussi, en fait, et c'est ce qui est important, peut-être, entre autres choses dans cette série, c'est un personnage qui vieillit, qui évolue, qui se transforme, qui permet peut-être, en fait, autant pour le lecteur que pour ses auteurs de rester accroché à ce personnage-là, à son univers, au fil des albums, au fil des années. Et malheureusement pour les auteurs, les personnages vieillissent plus lentement que les auteurs. Donc, il faut s'adapter aux situations. Je ne peux pas être si rapide qu'au début, parce que pendant l'anniversaire de 30 ans de Torgal, et il y avait exactement 30 albums. Donc, c'était très régulier. Et maintenant, j'ai décidé de ne faire qu'un album tous les deux ans. Mais grâce à ce projet qui a bien démarré, Les mondes de Torgal, avec le meilleur, l'auteur est disponible à ce moment-là. Il y a Yann, scénariste. Yvesant était coordinateur de cette monde. Donc des séries parallèles. Oui, et aussi le scénariste pour série mère, Torgal, et Chris de Valnor. Et Yann, qui scénarise Louvre et La Genèse de Torgal. Donc, c'est une excellente équipe. Chris de Valnor est dessiné par Giulio De Vita, un Italien, vénitien, vraiment, avec son talent de l'homme de Renaissance. Et Louvre et La Genèse est dessiné par Roman Surzenko, russe, qui habite à Taganrog. Et j'imagine que l'intégration justement des séries parallèles a permis justement pour vous d'espacer un peu la création, de prendre plus de temps pour faire les albums, d'une certaine façon, de faire les albums de la série principale. Il y a deux choses très importantes. La première, c'est que les gens et des anciens lecteurs qui étaient attachés à mon style traditionnel, ils ont ce qu'ils désirent dessiné par Surzenko et De Vita, et moi je peux me concentrer sur le laboratoire des moyens d'expression. Je cherche les différentes matières que je peux utiliser dans la bande dessinée. C'est pour ça que j'ai changé aussi de style, j'ai abandonné ce traditionnel et puis j'ai décidé de peindre tout simplement l'image. Je n'utilise pas les crayons, les trucs, les plumes. Maintenant, je peins des images, des mini-tableaux. Et pour avoir en tête peut-être un peu justement votre approche de travail, Grégoire Rosinski, j'ai lu à quelque part que vous peignez, vous étiez debout devant donc les planches, et il y avait dans le fond la planche précédente, la planche sur laquelle vous travaillez, la planche suivante. Oui, mais je travaille toujours deux planches, planche paire et impaire. C'est comme c'est dans l'album. Et parce que pour voir, vous savez que quand vous prenez l'album dans la main, vous les ouvrez, et le premier impact, c'est de voir la totalité des choses. Parce que ça vous fascine, quelque chose de dynamique, quelque chose qui vous impressionne. Et c'est ça, c'est comme regarder une affiche. C'est vraiment la perception instantanée. Il faut voir ça le plus rapide possible. Et puis après, c'est pour ça que je travaille deux planches en debout sur le chevalet. Je commence et puis quand j'essaie déjà, qu'est-ce que ça donne, dans quel climat ça sera fait. J'ai fait des marques, mais pas vraiment des crayonnés, mais des tâches, des trucs, des dynamiques statiques, des archi-classiques, la composition. Et puis, je commence légèrement, et de gauche à droite, de haut en bas. Et voilà, c'est ce qui est essentiel, c'est de garder vraiment l'acteur dans le climat dans lequel je suis en lisant le scénario. Le primordial, c'est que ce soit l'image narrative. C'est que c'est la façon de raconter l'histoire à travers les images. Et ça, c'est les plus importants. Et pas la beauté des images. Donc, elle parle, qu'elle évoque quelque chose en elle-même. Si je dynamise, si je fais un changement dans le récit classique en mise en page, ce qui est le plus fonctionnel. Et il faut que ce soit vraiment efficace. Tout d'abord, efficacité des récits, que les gens ne se plantent pas, ne s'égarent pas, pour que ce soit tout est clair. L'histoire est racontée vraiment très simplement. Et je trouve, par exemple, que toute mise en page avant-gardiste, un peu comme roman graphique, ça trouble vraiment la lecture. Donc c'est un peu ce qui vous a amené à ce type justement à faire ce choix-là de représentation, c'est pour l'efficacité de la narration, c'est pour le plaisir d'expérimenter, c'est pour amener un peu les modes d'expression plus loin, en fait d'essayer d'éclater un peu la manière dont on crée de la BD. C'est pas seulement le plaisir d'expérimenter, c'est la nécessité d'expérimenter, parce que bon, qu'est-ce que je suis si je n'expérimente pas? Je suis copieur de moi-même. Je trouve un truc, un style, une manière, ou, je sais pas, certains appellent sa personnalité, moi je sais ce que je sais. Et puis c'est prisonnier de mes propres habitudes, et je peux plus sortir de là. Et donc je voulais échapper chaque fois de trouver le refuge de ne pas tomber dans ce piège, parce que si je tombe dans un piège de mes trouvailles, je suis foutu, je ne plus, je continue plus, je me développe plus, je ne perfectionne plus. Donc je cherche toujours la manière des différents trucs. Je vois ici dans la table, par exemple, il y a un peu de l'eau, alors je le verse sur les papiers, je fais avec les doigts. Si les doigts sont sales, c'est tant mieux, parce qu'on peut vraiment obtenir les effets, certaines ambiances qu'on ne peut pas même programmer dans la tête avant. Donc tout ce que je fais, ce n'est pas programmé, ce n'est pas prédessiné avant. C'est pour ça que j'ai abandonné complètement les phases de crayonnage. Mais je suis toujours sur l'effet des surprises. Comme ça, l'adrénaline à certains niveaux. L'accident contrôlé, entre guillemets. Oui, voilà. C'est un accident contrôlé, tout à fait. Et même, à la limite, en fait, j'avais lu certaines entrevues où vous disiez... J'aime mieux qu'on parle, je suis pas le dessinateur de Torgal, je suis l'illustrateur de Torgal, mais de faire un peu la distinction, que c'est pas que justement ça va plus loin que simplement juste du moins qu'il y a une dimension additionnelle peut-être dans la perception, ou qu'on sous-estime peut-être aussi des fois le travail d'illustration, justement en disant mais ok, c'est le dessin, c'est l'illustration, c'est ma formation, et aussi c'était pourquoi à certaines époques, pendant une dizaine d'années au plus, j'étais illustrateur, j'illustrais beaucoup de livres, différentes sortes de livres pour les enfants, avec les styles chaque fois complètement différents, et j'étais pas reconnaissable. Il y a une personne qui... c'est dans ma monographie qui est sortie. Ça me fait plaisir que je vois que c'est au Québec. Ça existe aussi. Et bon, là, il y a des exemples de toutes les possibilités qui sont inépuisables. Parce que je n'ai pas encore tout exploré. J'espère que j'ai le temps. J'aurai le temps de le faire. Mais c'était parce que moi, quand on m'a interdit encore au lycée des Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts, quand je fais les études artistiques, on m'a interdit de faire la bande dessinée. C'était très mal vu, c'était moche, etc. Donc j'ai risqué d'être expulsé même de l'école. Et alors, moi, je me suis dit, c'est mon amour de l'enfance, si je ne peux pas le faire, le pratiquer, alors au moins je vais conduire quelques personnages pendant 2-3 dessins, c'est illustration. Je me plonge dans certaines ambiances littéraires et j'ai les visualisé. Bon, j'étais plutôt, l'illustration, c'est la traduction de langage littéraire en langage visuel. Et c'est comme ça que j'avais une partie de ma satisfaction, toujours quand je ne pouvais pas faire la BD, j'ai dit. Et puis après, je me suis retrouvé à nouveau dans ces bandes dessinées, mais il y a quand même cette partie illustrateur n'était pas perdue. J'avais toujours cette nostalgie de faire des plongées dans différentes matières et de faire les images. Ce qui est peut-être ma étonnant, mais c'est la radio qui m'a poussé quand j'étais petit. C'est la radio qui avait son rôle évocatrice un peu dans mon futur métier, parce que c'est le manque des images dans la radio. Donc on complète. J'étais absolument obligé de faire chaque fois quand j'écoutais une pièce radiophonique. Alors je fais une illustration, une image. Et c'était aussi la littérature narrative. La littérature n'est pas d'être narrative, donc c'est, disons, l'image narrative. Oui, on fait une narration hybride dans la mesure où il va être complété par des mots, il va être complété par d'autres choses. Mais en même temps, il faut que la planche soit, comme vous disiez tout à l'heure, soit porteuse en elle-même. Quoi. Simplement, en regardant le dessin, on est la compréhension de ce qui se passe, on est l'ambiance de ce qui se passe, on soit touché par ce qui se passe. Mais dans mon esprit, il y a deux couches, un peu dans mon cas. Il y a deux niveaux de la bande dessinée. Un niveau, c'est de raconter l'histoire. Alors, je considère un peu l'album normal et l'histoire racontée par une image, je le considère comme cette base littéraire, parce que c'est pas moi qui écris le scénario. Donc, je le considère comme les lettres, les phrases, les acapites, mais n'est pas dessinée, n'est pas écrite, mais dessinée. C'est déjà la narration. En tant qu'illustration, je me désire de temps en temps d'injecter les grandes images épiques. C'est beaucoup, en fait. Je pense que c'est un terme qui revient souvent quand on présente un peu le travail du dessinateur. Vous êtes le cinéaste, vous êtes le metteur en scène, vous êtes le réalisateur de l'album, dans le fond. Il faut absolument d'avoir l'esprit visuel. Filtrer livre, chaque littérature, scénario surtout, il faut filtrer avec un œil de cinéaste. Parce que, en tant que dessinateur, je suis un metteur en scène, finalement, de ce film qui ne m'écoute pas les millions d'argent, les millions de dollars. Je cherche pas les riches producteurs. Mais je peux faire avec un papier, un morceau de papier et des crayons, ou des pinceaux. J'ai dit que je ne crayonne plus. Mais je peux faire mon film. Mais il faut d'avoir. Parce que le scénario de la bande dessinée a le même aspect que le scénario de cinéma. On a fait cette expérience avec Western. On a édité première fois, ça s'est arrivé. Le scénario de la bande dessinée était édité comme un album. Avec évidemment mes gribouillis sur chaque page, etc. Et le milieu du cinéma, il s'est rendu compte que c'est le scénario du cinéma. Il y a seulement que le minutage, le timing, il est remplacé par les mises en page dans la bande dessinée. Mais sinon, tout est là. Et tout ça basé aussi sur un travail de recherche, sur un travail de règles, dans la mesure où Torgal, c'est un univers inventé, mais c'est un univers inventé avec ses règles, et ses règles sont ancrées aussi dans le réel, dans les cultures du réel, c'est le réalisme qui est nécessaire, dans le fond, pour que le lecteur embarque, pour que le lecteur plonge dans cet univers-là aussi. Vous savez, parce qu'on n'a jamais suivi les modes. Les modes changent, nous vivons maintenant dans une période d'agressivité, violence visuelle même. Il y a partout, dans les publicités, dans les dessins animés qui étaient à l'époque, c'était Walt Disney. Et maintenant, qui sont basés sur le manga, c'est vraiment insupportable. C'est difficile à supporter cette agressivité de, je dis l'agressivité dans deux sens. Tout court dans l'histoire, mais aussi dans l'esthétique des images. On n'arrive pas à suivre tout ça. En plus, dans l'autre sens, si ça vient des mangas. Mais nous avons décidé de faire l'histoire, et c'est pour ça aussi que c'est la source de succès de cette saga Torga, qu'on a décidé de tout simplement de faire les choses que normalement la bande dessinée ne s'occupait pas. Et on n'a pas cherché un super-héros qui se déplace sur les toits de Manhattan avec ses maillots un peu rigolos. On n'a pas de... Donc, le personnage crédible, quelqu'un vivant, un dessin très réaliste, et qui donne l'aspect de que le dessinateur était là. Il a dessiné, a utilisé les modèles, il a travaillé avec les modèles, ce qui est le cas de temps en temps, mais plutôt rare chez moi. Je fais mon casting plutôt de la tête, directement. Mais ça donne ce confort au lecteur de s'identifier avec les personnages. Pas difficile de s'identifier avec les Schtroumpfs, par exemple. Donc, il y a un aspect... On n'est pas bleu avec les blancs bonnets. ni Tintin, qui ne change pas ses pantalons de bien siècle. Tandis qu'ici, c'est parce qu'il y a même c'est l'aspect des décors, c'est l'histoire imaginaire. Ce n'est pas ni localisé nulle part. Ou quelque part dans le même temps. C'est qu'on va quand même chercher dans l'imaginaire nordique. C'est plus ou moins l'époque des Vikings. Les Vikings ne sont pas vrais Vikings parce que ce n'est pas la reconstruction historique. Et quand même, c'est mon rôle, c'est de crédibiliser l'imaginaire. Oui, qu'il y a une historicité, entre guillemets. Si on peut dire, en fait. Sans dire l'histoire véridique, mais que ça sonne vrai. Que ce n'est pas le théâtre, ça. C'est ça. Malgré que j'adore le théâtre, c'est pour moi la bande dessinée dans le sens médium, c'est plus le théâtre que le cinéma. Pourquoi? Parce qu'on est dans certaines conventions, et comme les gens qui adorent le théâtre, ils savent de quoi je parle. Évidemment, c'est l'acteur, ce n'est pas le personnage, c'est pas Hamlet, mais c'est un mec qui le joue. On peut jouer ça même avec la scène vide, mais on est aspiré, absorbé par l'histoire et par la façon, par la qualité de faire ça, de faire ce théâtre. C'est pareil avec la bande dessinée, on sait que c'est imaginaire, on sait que c'est dessiné, mais il y a dans cette convention, si on est assez habile, assez professionnel, de créer cette apparence de crédibilité, tout va bien, oui, tout marche bien. Puis après ça, c'est que ça renvoie, j'ai l'impression, aussi à ce qu'on disait au début, où maintenant qu'on a des conventions qui sont claires, ouais. On peut les éclater, on peut expérimenter parce que les règles sont là. Et donc là, on peut développer au niveau graphique, au niveau narratif, etc. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas, qui ne connaissent pas ces règles de la bande dessinée, ils se sentent un peu égarés parce qu'ils ne savent pas comment lire ça. C'est pareil avec les gens qui sont qui regardent seulement les cinémas, ils ont oublié le théâtre, maintenant c'est revenu à théâtre, c'est pour eux, parfois c'est difficile parce que c'est artificiel, c'est trop papier mâché. Et on peut vous suivre, évidemment, donc au fil des albums, on peut retourner pour voir aussi, et c'est intéressant, en fait, j'invite les gens à le faire, d'ailleurs, l'évolution justement de votre style, de votre approche au fil des albums de Torgal. Grigor Rozinski, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et nous, on s'en va en musique, on est de retour tout de suite après. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Au fil de l'émission, d'ailleurs, on sera accompagné en musique par la formation Sagar and Swing, tirée de leur album Orgel Planeten. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Postmodernisme. Et on va aller lorgner aussi au fil de l'émission du côté d'installation, du côté d'événements, du côté d'expositions qui sont présentées au festival. Et j'avais envie aussi de me faire des petites alternances entre relève et artistes établis, voire légendaires. Et on est dans la portion relève cette fois-ci avec Alex Carou et Catherine Lemieux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de l'exposition que vous organisez, à laquelle vous participez à l'établi, qui est présentée seulement pour la durée du festival. Donc, on a jusqu'au 13 avril pour aller y voir. Ça s'appelle « Des histoires muettes ». Pouvez-vous nous présenter un peu le concept, l'esprit de l'exposition? J'avais débuté une exposition d'histoires muettes. Je souhaitais mettre de l'avant les jeunes talents de la ville de Québec à exposer une histoire de deux planches qui n'utilisent aucune parole. Ça me permettait à ce moment-là aux artistes de pouvoir raconter. Ça me permettait entre autres de briser les barrières linguistiques. Ça le rend plus accessible, en fait. Oui, en fait, l'idée comme c'est présenté, comme c'est conceptualisé, j'imagine, pour un contexte d'exposition, on n'aborde pas le travail, on propose pas le travail de la même façon. Ben c'est ça. Donc, autrement dit, c'est ça. Donc, en allant chercher des gens, excusez-moi, du milieu autant des arts visuels, arts graphiques, aussi de l'animation, on voulait proposer, justement, en mettant de l'avant, comme ça, les gens, peut-être une autre manière de présenter. Oui, c'était la seule contrainte, mais en même temps, une autre manière peut-être originale de présenter un petit peu leur univers graphique. Quoi. Oui, puis ça reste quand même une bonne contrainte, une grosse contrainte aussi, dans la mesure où c'est pas facile de faire un bon récit muet, de faire un récit qui est clair, qui va à l'essentiel, qui raconte clairement son histoire non plus. Donc, c'est quand même un bon défi que vous êtes lancé. Là. Oui, j'ai beaucoup aimé ce défi-là. J'ai récupéré les travaux de ces 12 exposants et j'étais vraiment impressionné par les sujets. Finalement, la bande dessinée permet ça, de briser certaines barrières linguistiques et de raconter de belles histoires. Et j'ai été vraiment touché et j'espère que ça ne sera pas la dernière exposition qui sera présentée. Et justement, comment s'est fait un peu la sélection pour le choix des artistes que vous proposez, que vous avez été invité aussi, j'imagine, à participer à l'exercice? Il y en a quand même plusieurs. Alex Carou, Catherine Lemieux, donc, qui sont avec moi. Il y a Guillaume Demers, Anne-Marie Doucet, Rémi Paradis, Jean-Michel Guérin, Dominique Raphaël Guérin, Marie-Hélène Morin, Fafard, Francis Lemelin, Anthony Charbonneau-Grenier, Janie Deschaines, Marie-Lamonde Simard, Gabriel Thériault. Donc, tous des artistes de la relève. Vous avez lancé un appel à tous. Vous avez vu un peu qu'est-ce qu'il y allait? Vous avez ciblé des gens dans votre entourage? Ou... C'était une annonce lancé ouvertement, et puisque le milieu de la BD, c'est en tout cas assez proche, on est tous chums, en fait. Donc, j'avais aucune difficulté de rejoindre tous ces camarades-là. J'ai lancé l'appel et ils ont été très. Ils ont vraiment embarqué dans le projet, et suite à ça, il suffisait de fignoler, de faire de la publicité, de faire de la promotion. Et Catherine, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené justement à accepter de participer à ce projet-là, d'accepter de relever ce défi-là? Ben, compte tenu du but qui est un petit peu de montrer un petit peu aux gens peut-être du milieu, aux gens qui connaissent pas vraiment la bande dessinée, moi ça m'intéressait justement de pouvoir, oui, présenter mon travail, mais là on parlait comment est-ce qu'on est allé chercher les gens, donc autant de travailler avec des collègues de travail, des gens justement, il y a un événement qui a lieu à toutes les deux semaines ici dans la ville de Québec, le Comic Jam, qui regroupe plusieurs personnes qui dessinent et tout, puis non, je pense que c'était vraiment dans l'idée peut-être de pouvoir présenter aussi avec d'autres personnes qu'on a connues là-bas, oui, d'abord, oui, pour le fun, mais voilà, de me joindre à ces personnes-là, je trouve ça super. C'est beaucoup de collaboration, hein? Finalement. Mm-hmm. En fait, c'est un peu l'idée, d'une certaine façon, autant on le voit en atelier, autant quand on commence, donc l'idée d'apprendre ensemble, de travailler ensemble, de parfaire ensemble et de profiter du regard d'un peu tout le monde aussi sur le travail, autant des gens qui commencent que des gens qui sont là depuis un bout de temps. Tout à fait. Et côté histoire, justement, peut-être pour avoir une petite idée de ce qui est présenté, ben peut-être je vous inviterais à nous présenter peut-être d'abord vos histoires en quelques mots. Qu'est-ce que vous avez proposé à cette exposition des histoires muettes? Je vais peut-être commencer. Pour ma part, j'ai tiré deux planches d'un livre que j'ai autopublié cette année. C'est un personnage dans cette histoire, cette histoire-ci. La vie en boîte. La vie en boîte, tout à fait. Dans ces deux planchers, on voit notre personnage qui commence à... s'imprégner dans son univers qui est un univers purement géométrique, et au début ça semble trop simple, très brut, mais à mesure que ces formes géométriques se multiplient, on est dans un univers qui est à la fois chaotique et structuré à la fois. Je trouvais ça très beau. Ça a été le sujet que j'ai utilisé pour mes deux planches, en fait. Et ton côté, Catherine Lemieux? De mon côté, ben, même dans ce que je produis, j'aime ça parler de petits sujets du quotidien, mettre en scène aussi. Donc, j'ai joué un petit peu là-dessus pour présenter tout simplement une jeune demoiselle qui, au cours de ses études, aime beaucoup traiter du figuratif et tout. Et bon, suite à une critique en classe, elle se dit « Bon, d'accord, je vais faire ce qu'on me demande. » Et puis, finalement, elle va se servir d'un petit brin de ce qu'elle a fait pour revenir à ce qu'elle faisait auparavant, mais juste avec un petit brin de plus, une petite richesse de plus, là, mais un petit peu à la rigolade, peut-être suite à des en études fait, en art. En fait, plus on change, plus c'est pareil, finalement. Vous allez pouvoir le voir. Et justement, ces deux histoires-là s'insèrent dans un lot d'histoires aussi, j'imagine, avec des styles graphiques, avec des propositions de narration qui sont extrêmement variées, qui sont extrêmement éclatées. Oui, ça va dans toutes les directions, puis heureusement, c'est ce que je souhaitais aussi. Et des propositions qui vous ont surpris, qui vous ont étonné, qui vous ont touché particulièrement, sans tomber dans le registre coup de cœur, mais... On avait, la plupart du temps, on avait des thèmes qui étaient plus récurrents, c'était le thème de la nature, et il y avait des belles histoires. Il y avait aussi la confrontation avec la vie urbaine en général. Vraiment, on s'attache à quelque chose qui est sensible, des sujets qui nous tiennent à cœur, et... Là-dessus, je pense que les exposants de l'expo, justement, ont réussi à pouvoir partager ce message-là. Et est-ce qu'il va y avoir des suites? Bon, on peut l'avoir à l'établi, je le rappelle, du 9 au 13 avril, mais est-ce qu'il va y avoir des suites, publications sur le web, etc.? On va se consulter, on va consulter ça. On ne s'est pas coulé dans le béton, mais on souhaiterait le distribuer probablement via l'Internet. Alors, à suivre, mais évidemment, d'ici là, ça a été conceptualisé, je le rappelle, pour l'exposition. Donc, c'est à l'établi sur la rue Saint-Vallier Est jusqu'au 13 avril. Donc, pour la durée du festival, ça s'appelle Des histoires muettes. Alex Carou, Catherine Lemieux, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on part en pause à venir à l'émission, mais notamment Guillaume Long, Adam, Jean-Claude de Fournier et plus, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. CKRL 89.1. Québec. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. De la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Les moulets frites sont de retour au Vieux-Port. La Cabane offre en effet le moulet frites à volonté en soirée du mercredi au dimanche à prix spécial en mars et avril. Située dans les anciens locaux du Poisson d'Avril, la Cabane reprend le flambeau avec un menu qui suit les saisons. Au printemps, c'est le crabe qui sera à l'honneur dès le début de la pêche. L'été, c'est le homard et la folie des lobster rolls ou guédilles au homard. Aussi au menu, steak, poulet grillé et fish and chips. À l'année, c'est les moulets frites à volonté. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Cette émission vous est présentée en direct du Festival de la BD francophone de Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. On a le plaisir cette semaine d'être en direct du Salon international du livre de Québec et surtout du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, 27e édition. Et on porte un regard notamment sur quelques invités internationaux qu'on a le plaisir d'avoir à Québec pour cette édition, et dont notamment le dessinateur scénariste Guillaume Long, qu'on peut lire sur le journal, sur le blog du journal Le Monde, en fait Long blog. .lemonde.fr, et qui le blog s'appelle À boire et à manger, donc il s'intéresse à l'univers culinaire, et il est avec nous. Guillaume Long, bonjour. Bonjour. Alors justement, je pense que c'est la grande question et la question principale: qu'est-ce qui vous a amené sur le terrain du métissage entre bouffe et bande dessinée? Bah, j'ai toujours voulu, en fait je m'intéresse à la nourriture depuis que je suis né pratiquement, avec ma maman qui me cuisinait beaucoup de choses étant petit. Et en fait, ce qui m'a amené à la bande dessinée, c'était l'envie de raconter des histoires. Et ça fait très longtemps, en fait, ça fait 10 ans que je fais de la bande dessinée, et ça fait longtemps que je voulais faire une histoire, enfin un livre qui parlait de nourriture, en fait. Et j'ai mis 10 ans à réaliser ce projet par l'intermédiaire d'un blog sur lemonde.fr qui s'appelle donc aussi À boire et à manger, et qui m'a permis de me mettre à la tâche, quoi, parce que c'est je pars sur un très très gros travail, quoi. Là, on a plusieurs centaines de pages déjà, donc un blog, c'était bien pour commencer. Oui, puis en même temps, je pense que la réponse du public, d'ailleurs, a été très, très bonne. Je pense en moyenne, j'avais lu quelque part, c'était quoi, à peu près 10 000 visionnements par note en moyenne? Oui, alors par note, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est oui. Après, maintenant, là, ça a un petit peu baissé parce que je le mets un peu moins à jour, mais c'est vrai que dès que je publie, en général, il y a 10 000 personnes ou plus si je passe en une du monde, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a un avantage à passer par le 9e art pour parler de cuisine? Bah oui, parce que en fait, contrairement aux livres de recettes traditionnels où on a des photos qui peuvent être intimidantes parce qu'on a des super dressages avec des photos magnifiques et on se dit bon sang, j'arriverai jamais à reproduire ce que je vois. Moi, quand je dessine une courgette ou un poivron ou de la viande, c'est des petits traits. Je pense que ça décomplexe pas mal les gens parce qu'ils disent ah oui, moi je peux pas faire pire que ce dessin, quoi. donc je pense que ça leur donne plutôt envie d'essayer de faire mieux chez eux, ou du moins aussi bien, quoi. Ouais. Puis il faut dire aussi, en fait, le spectre culinaire que vous explorez quand même aussi est très vaste. C'est autant les petites recettes que la grande cuisine, que la grande gastronomie. Là, oui, oui, mais ça, c'est ma curiosité. Mais je suis à la fois gourmet et gourmand. Je crois que plus gourmand, d'ailleurs. Donc, et puis comme je suis de nature assez curieuse, c'est vrai que j'expérimente beaucoup. Et en même temps, le défi, c'est toujours, vous l'abordiez, la notion du visuel. Dans le fond, on passe d'une expérience qui est olfactive, qui est gustative, qui est visuelle. Et là, dans le fond, il faut réussir à la faire transparaître et la faire transposer par le visuel et par le narratif. Ouais. Alors moi, j'avoue que je m'aide aussi beaucoup du narratif, hein, mais le dessin, c'est souvent un outil chez moi. C'est vraiment l'histoire qui prime. Et c'est vrai que oui, j'arrive avec un vocabulaire assez précis à évoquer des saveurs, des odeurs, des choses comme ça. Donc dans le fond, on se dit pour qu'une recette, pour qu'un plat, pour qu'une expérience culinaire puisse bien se porter vers le blog, ben nécessairement, faut qu'il y ait une histoire qui puisse lui être liée, faut que vous puissiez être inspiré par. Oui, c'est ça. Oui, en fait, moi, c'est souvent. Enfin, on me demande si. Des fois, si est-ce que je dessine ce que je mange, ou alors est-ce que je fais des histoires, enfin est-ce que je fais des recettes spéciales en fonction du blog? Et non, en fait, c'est souvent des histoires qui vont m'arriver, qui vont me donner envie de faire telle ou telle recette, quoi. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'un jour où j'ai fait des petits pois et des lardons ensemble, hein, avec des carottes. Et ça faisait des couleurs comme ça assez incroyables dans l'assiette, ça me rappelait les tableaux fauves de Gauguin. Et du coup, j'ai imaginé toute une histoire où il y a Gauguin qui invente, enfin qui est précurseur donc du mouvement fauve, en se faisant des petits pois lardons carottes dans son assiette. Donc comme ça, ça permet d'aller un peu plus loin. Puis même, en fait, ça revient au pouvoir des vocations qu'on disait. On le voit peut-être un peu plus, votre plot. Ouais. Et d'une certaine façon, donc, on essaie de d'accompagner un peu le lecteur comme ça. Et c'est un peu un partage de vos découvertes aussi à travers tout ça. C'est une exploration culinaire que vous faites depuis déjà plusieurs années. Oui, oui. Puis moi, en fait, quand j'ai commencé le blog, enfin le livre aussi, j'avais un objectif, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est de montrer aux gens qu'on peut arriver à se faire à manger de manière très simple, parce que si moi j'y arrive, a priori, tout le monde peut y arriver. Et qu'en plus, ce qui tombe bien, c'est que quand on se fait la cuisine soi-même, c'est souvent meilleur que quand on l'achète tout préparé, etc. Donc c'est vrai que j'essaie de mettre un petit peu de pédagogie là-dedans et de montrer que pas à pas, c'est pas hyper compliqué. compliqué de se faire la cuisine, quoi. Enfin, en tout cas, une bonne cuisine. Mais en même temps, ça peut peut-être aussi fausser la perspective, dans la mesure où si on me dit, ben OK, tu rencontres quelqu'un qui tient un blog culinaire et qui publie des albums tirés du blog, ça s'appelle À boire et à manger, qui fait ça depuis plusieurs années, ben dans ma tête, vous êtes un expert de cuisine. Oui, alors ça, c'est oui. Dans, le rapport avec mes amis a un petit peu changé au début, parce qu'ils me servaient toujours leur café ignoble depuis des années, et puis tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, je suis promulgué comme ça, expert en cuisine, donc ils me disent, oui, ben alors je suis désolé, on fait la bouffe, mais bon, voilà, et en fait, comme ça fait 10 ans que je les connais, j'en dis, oui, ben c'est comme d'habitude, c'est pas grave, quoi, enfin... Et ouais, c'est vrai qu'il y a cette étiquette. J'ai aussi l'étiquette un peu de journaliste comme ça, culinaire, alors que je ne le suis pas du tout. Alors ça ne me sert même pas dans les restaurants pour avoir de la bouffe gratuite, donc c'est un peu dommage, quoi. Mais ça devient un peu un statut hybride, parce que c'est pas un créneau qui est beaucoup exploité, beaucoup exploré pour l'instant. L'hybridation, il y a eu bon, des albums, on pense à Davodo qui a fait avec le vin, il y a eu Quand cuisine avec Alain Passard. Ouais. Il y a quelques expériences aussi qui sont faites ça et là, mais c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Non, c'est vrai, mais en même temps, j'ai eu la chance aussi d'arriver dans un moment où on parle plus de cuisine qu'il y a quelques années, quoi. Donc ça, je dois avouer que je pense que ça a contribué pas mal au succès des livres et du blog. Mais moi, c'est une idée, encore une fois, que j'avais en tête depuis vraiment une dizaine d'années, quoi. Donc c'est un truc qui a mûri depuis très très longtemps. Et oui, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de bandes dessinées effectivement sur la nourriture, quoi. Enfin, il commence à y en avoir un petit peu maintenant. Mais, ouais. Enfin, on était un peu précurseurs en fait, de certains mouvements. Ouais, ou ce qui paraît. Ouais. et en même temps, quand on prépare justement la note, donc on parlait quand même donc, de l'importance du côté anecdotique, bon, ouais. Des mots, du choix des termes pour l'évocation. Mais en parallèle, est-ce que il y a quand même aussi un bon travail de documentation? Donc, si vous me dites, ben vous êtes un peu comme tout le monde côté cuisine, ben ouais. J'imagine si j'écris sur une recette, faut que je me documente, faut que je valide. Oui, alors. En fait, bon, en France, quand je suis lu, un truc qui est typiquement français, c'est que dès que je parle d'une recette spécifique, il y a tous les spécialistes de cette recette qui vont se manifester sur le blog. Ils vont me dire, mais comment oses-tu faire des pâtes à la carbonara de telle façon, ou comment oses-tu faire un risotto à la milanaise de telle façon. Donc c'est vrai que ouais, j'ai intérêt à me documenter si je veux pas me ramasser. Là où je me documente le plus, c'est surtout pour les pâtisseries, en fait, parce que c'est des dosages assez précis. Et c'est aussi pour ça que ça m'emmerde un petit peu de faire des pâtisseries, parce que moi, j'aime bien la cuisine instinctive. C'est vrai que dès qu'il faut commencer à peser les aliments, et voilà, ça devient un peu problématique, quoi. On tombe plus un peu dans la chimie de la cuisine. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu moins intéressant pour moi. Ouais. Mais en même temps, il y a un potentiel de ratage, peut-être un potentiel d'anecdote. Oui, oui, qui peut être pas mal, ouais. Bah oui, oui, parce que la première recette que j'ai fait et que j'ai copieusement ratée, j'en ai fait une histoire. Enfin, c'est l'introduction du deuxième album, ouais, c'est vrai. Et justement, qu'est-ce qui va faire peut-être un bon plat ou une bonne expérience culinaire pour le blog? Est-ce que vous vivez un peu en fonction de, OK, justement, ça, faut que je crée une anecdote? Non. Une anecdote, ou est-ce que vous avez votre carnet de notes? Un peu comment? Non, pas du tout. Non, en fait, ouais, une grosse partie de mon travail, ça consiste à perdre du temps et du coup à m'ennuyer, et du coup à observer les gens autour de moi et voilà, à saisir comme ça des discussions, des trucs. Et c'est vrai que oui, j'ai tout le temps des choses en tête. Après, je les note pas dans des carnets, mais l'inspiration, elle vient assez facilement parce qu'il suffit juste de regarder ce qui se passe autour de moi, de vivre en fait tout simplement, et puis ça vient comme ça, quoi. Ouais. Le carnet de notes, le sketch. Bah, par exemple, là, je suis en train de faire un carnet de notes sur Québec. Je pensais qu'il allait rien m'arriver de spécial au point de vue nourriture ici, parce que je connaissais que la poutine chez vous. Et puis en fait, je découvre plein de choses, puis il m'est déjà arrivé plein d'histoires, donc je les raconte, je commence à les raconter. Oui, puis même en fait, ça avait commencé, je pense, et on les trouve d'ailleurs présentement sur votre moment, page, ouais, en fait, ouais. En ce moment, sur même les repas d'avion, je veux dire, oui, tout peut être porteur, oui, c'est pas obligé d'être bon. Fiction, en fait. Ouais, ouais. Et puis moi, après, je mets beaucoup de fiction aussi dans mes histoires, donc il m'arrive... peut-être 10% des choses, et puis tout le reste, c'est de l'invention aussi. Voilà. Oui, donc en fait, c'est toujours un peu la classique distinction, comme dans tout blog BD, entre l'auteur et l'avatar. Exactement. De l'auteur sur le blog. Exactement, ouais, c'est vrai. Et ça devient un métissage aussi, j'imagine, particulier quand on va à la rencontre des gens où on a l'impression de connaître une version, mais qui est fictive finalement de ce que vous êtes réellement. Oui, c'est vrai que souvent les gens sont surpris quand ils me rencontrent en vrai que je ne suis pas exactement la personne qui est dans les bandes dessinées, mais en fait, heureusement, parce que c'est un espèce de Pierre Richard comme ça, enfin d'acteur un peu raté, un peu maladroit, quoi, que je développe, donc j'espère que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Qu'est-ce qui fait justement le plaisir peut-être un peu de se mettre en scène comme ça? Ça, en fait, ça a commencé parce que quand j'ai commencé la bande dessinée, j'avais pas tellement d'idées d'histoire, donc je faisais aussi surtout de l'autobiographie. Puis comme quand même j'avais envie de faire de la fiction, c'était assez inventé. Alors je crois pas que c'est quelque chose de très mégalo, enfin c'est pas une intention mégalo en tout cas, c'est plutôt une espèce de facilité parce que voilà, enfin je sais me dessiner depuis 10 ans, donc bah, j'ai un personnage qui est tout trouvé, a priori je vais pas en changer quoi. Mm-hmm. C'est un peu de la paresse peut-être. Ouais. Ou à la limite en fait je pense qu'il y avait, j'avais posé à un moment donné la question à un autre dessinateur qui donne dans l'autofiction un peu comme ça, et lui disait ben c'est un peu comme Woody Allen, il y a toujours son personnage dans ses ça. Films. Donc, ouais. Mais en fait j'ai pas l'impression tellement que ce soit moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un acteur en fait que je dirige, quoi, voilà, et qu'après que je mets en scène dans des histoires. Après, toutes les histoires de à boire et à manger ne me concernent pas. Hein. Il y en a beaucoup où j'invente des petits personnages, des choses comme ça. Et, voilà. Oui, puis de toute façon, ça devient nécessaire aussi. Il faut avoir le repère humain pour porter, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Puis en même temps, pour vous, comme vous dites, en fait, côté diversité, donc. Faut mettre en scène ces notes-là de manière différente. Si vous faites toujours la même chose, ben exactement. Ouais, ouais. C'est aussi pour ça que j'aime bien mon travail sur, enfin que j'aime bien mon travail sur à boire et manger, que je trouve intéressant. En tout cas, c'est parce que en fait, ça me permet de à chaque histoire de me renouveler dans des univers différents. Par exemple, si j'ai envie de faire de la science-fiction demain, ben, il suffit que j'imagine une petite histoire et puis je vais pouvoir faire un truc qui se passe dans le futur. Si au contraire, je veux faire un truc avec des cow-boys ou avec je sais pas quoi, c'est assez facile. Et du coup, j'ai l'impression que à chaque note, c'est une petite histoire en soi, quoi. Comme un petit livre en soi, quoi. Donc ça, c'est très agréable, en fait. Un peu comme vous disiez, dans le fond, dès le départ, en fait, le dessin, la cuisine, c'est une fin. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire. Exactement, ouais. Et de ne pas s'ennuyer, surtout. Voilà. Alors, on découvre toutes ces histoires sur votre blog, je rappelle. Donc, c'est long.blog.lemonde.fr. Il y a également aussi, outre à boire et à manger, vous avez toutes d'autres productions aussi que vous avez faites. Oui. Évidemment, je le mentionne au passage. Guillaume Long, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et au plaisir. Ben oui, merci. Et nous, on repart en musique, toujours avec Sagar and Swing. Toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous au micro, ici en direct du Salon international du livre de Québec et du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. D'ailleurs, beaucoup d'activités au festival. Je vous incite fortement à aller faire un tour sur le site de l'événement au www.fbdfq.com. Et on poursuit ces rencontres et notamment, on va plonger maintenant dans l'univers de la série Game Over et dans l'univers de Kid Paddle. Donc, le dessinateur Adam est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, impression, en fait, si j'avais à faire une description de Game Over, j'aurais presque envie de dire que c'est une bande dessinée de contraintes. En fait, c'est une BD muette. Il y a une chute qui est déjà attendue des lecteurs à chaque planche. Ça met de l'avant deux héros, donc les personnages sont aussi fixés. Donc, il y a beaucoup de contraintes dans ça. Ben oui, c'est le mot qui décrit le mieux, je pense, le processus créatif, entre guillemets, de cette bande dessinée. C'est la contrainte pure. il y a très peu de possibilités de débordement et il faut se renouveler tout en restant dans les mêmes limites et c'est pas évident. Est-ce que c'est, je veux dire, à chaque album, c'est fascinant de voir, en fait, vous évitez, en fait, c'est, j'imagine, le défi d'éviter de se répéter, d'éviter d'avoir la même chute deux fois ou qu'on puisse dire, bon, OK, dans trois albums, vous l'aviez fait, là, déjà, donc. Oui, c'est effectivement une très grosse difficulté, mais bon, on la contourne, vu qu'on ne travaille pas seul sur les scénarios. Nous avons donc un site internet où les gens déposent leurs idées. Il y a plus dans 10 têtes que dans une. Et c'est grâce à cette méthode que nous parvenons à avancer et à tâcher de nous renouveler sans ennuyer le lecteur. Oui, ben en fait, comme on dit souvent, d'ailleurs, la créativité, l'imaginaire vient de la contrainte. Exactement. Dans ce cas-là, c'est doublement vrai, non? Oui, oui, effectivement. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde les albums de Game Over, on connaît la mécanique de la série. En fait, je pense qu'on lit une planche, deux planches, on sait comment la série fonctionne. Et la question, dans le fond, pour nous, en tant que lecteurs, c'est de voir comment vous allez faire pour y arriver cette fois-ci. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que ça va être l'ultime, le glas? Mais je peux vous dire que c'est aussi la question que je me pose tous les matins quand je me mets devant ma table à dessin. Même si ce n'est pas moi qui fais les scénarios, mais... Je reçois un scénario, par exemple, manuscrit ou tapuscrit, et puis je me dis, tiens, ça va pas le faire, et puis on le dessine, et finalement, quand je les relis, et je peux le dire avec aisance, vu que ce n'est pas moi qui écris les scénarios, je les relis par la suite, avec du recul, et je me dis, ben finalement, ça fonctionne, c'est vraiment pas mal, et donc... Et vous, Adam, j'ai l'impression que vous avez un peu le rôle de traducteur de ces scénarios-là, justement, dans la mesure où l'histoire est muette, donc il faut qu'elle soit claire, il faut que ça soit net, il faut que ça soit rythmé, donc il faut... Il faut bien manier le jeu d'acteur du petit personnage et de la princesse et des monstres qui ont, malgré tout, une gamme aussi d'expressions très réduite, hein, qui se répètent, mais il faut savoir où les mettre. Et alors, bon, un gag, c'est une équation. Il y a le moment avant, le moment après. Il faut savoir est-ce que si un personnage frappe dans le visage d'un autre, est-ce qu'on doit dessiner le moment, le N-1, le moment... l'instant même ou l'instant d'après. Enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça qui permettent d'essayer de faire rire le lecteur un maximum. Oui, en fait, pouvoir exploiter, dans le fond, les pauses, pouvoir exploiter les moments de silence, les moments d'attente, tout en restant quand même dans... On n'est pas dans le gros plan non plus, donc c'est... Dans le gros plan. Ouais, c'est pas des gros plans, c'est des plans assez larges. Oui, ce sont des plans, en général, de personnages entiers. Exactement. Il y a très rarement des plans américains, donc... C'est véritablement, tant comme vous le disiez tout à l'heure, autant bien pour le scénario que pour le graphisme, il y a comme une bibliothèque des références que je dois utiliser et essayer de mettre en scène le mieux possible pour parvenir à déclencher le gag. Et de quelle manière on aborde, donc, quand vous lancez justement dans la création d'un album, j'imagine c'est toujours, on va d'un album à l'autre. Donc, est-ce que vous avez déjà l'ensemble des scénarios, vous triez, vous essayez de cadrer alors, un peu de... Alors, d'abord, il y a ce site internet dont je parlais tout à l'heure qui reçoit une grande quantité de scénarios qui sont lus, qui sont soit gardés, soit rejetés, ou alors modifiés. Mais ça, ce n'est pas moi qui m'en charge, c'est Midam. Mais il fait ça vraiment de dos dessus. Et puis, il nous soumet à toute l'équipe, parce que bon, il y a la secrétaire, il y a son épouse, Araceli, et on en parle un petit peu ensemble. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci, etc. Et donc, voilà. Et alors, il y a aussi deux scénaristes, donc Patelin et... comment s'appelle-t-il l'autre ? Philippe Auger. C'est pas Philippe Auger, ça, c'est un dessinateur. Je ne me rappelle plus le nom de l'autre scénariste, enfin, peu importe. Nous avons deux scénaristes qui étaient très bons, qui sont vraiment distingués des autres et qui régulièrement écrivent des albums complets. Je crois que Patelin doit être à son troisième ou quatrième album. Et voilà, je ne me rappelle plus du début de la question. Et donc vous avez, le tri est fait au niveau des scénarios. Voilà, et ensuite, faire les albums. Fait, là, on vous les voilà, amène. Donc, mais quand c'est Patelin qui fait un album, eh ben, il envoie les 43 gags qu'il faut pour faire l'album. On fait la maquette, et puis je les dessine. Et ensuite, c'est surtout Araceli qui se charge de ça avec Michel, avec Midam. Donc, ils font la mise en place des gags dans l'album. Ils essayent d'aérer de manière à avoir de un 5 strip. Ouais. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça. Et puis, pour le reste, eh ben, quand il y a 43 gags de bons sur le site internet, hop, on en fait un album. Tout simplement. Ouais. Et vous êtes pratiquement en production continue autour de ça. Les deux dernières années, j'ai tourné à deux albums par an. Donc, c'était du flux tendu. Et en même temps, est-ce que y a un défi, dans le fond, de travailler comme ça avec une banque qui est quand même assez claire, assez nette? Est-ce que, en tant qu'auteur, on se sent un peu encarcané, qu'on a envie aussi d'essayer de se renouveler, d'éclater un peu? Ah, c'est pas grisant au niveau graphique, hein, ça, je vous garantis. Je peux pas me dire, bon, ben, en admettant que j'ai la possibilité de le faire, parce que je ne suis pas un virtuose du crayon, mais je peux pas m'amuser à faire des contre-plongées, des poursuites en bagnole, des trucs. Non, ça, c'est pas du tout pour moi, ça. Quand je dis que c'est pas pour moi, je peux pas me le permettre. Parce que comme vous le dites, c'est la clarté, la lisibilité qui joue. Et le premier but de ce genre de bande dessinée-là, je ne dis pas que ça doit être ça pour toutes les bandes dessinées, mais c'est notre choix à nous, c'est que de déclencher la compréhension dès le premier regard. Il faut pas que le lecteur doive se poser une question. Il faut directement qu'il comprenne l'attitude, dans quel sens ça va, etc., pour que ça coule tout seul. Et en ayant en tête justement que c'est quand même un public, c'est un jeune public, c'est un public de jeunes ados qui va lire Game Over, donc ils ont leurs attentes, ils ont leurs perspectives, il y a une manière une culture BD qui est différente aussi de d'autres types de lecteurs, j'imagine. Est-ce qu'on a en tête un peu ces éléments-là, ou est-ce que justement déjà le cadre étant déjà assez clair, l'idée c'est simplement de répondre aux attentes des lecteurs quels qu'ils soient, tout simplement? On fait ce qu'on appelle de la bande dessinée tout public, nous. Hein. Donc, on essaye, le mot le dit, de toucher un public le plus large possible. Maintenant, est-ce qu'on y pense quand on dessine? Oui et non. On travaille d'une manière artisanale. C'est de la bande dessinée à papa qu'on fait. Hein. C'est du classique. Voilà. Non, je ne suis pas en train de me poser la question. Si un garçon de 10 ans lit ma BD, qu'est-ce qu'il en attend? Je ne me pose pas ce genre de questions, parce que si je commence, je crois que je lève mon crayon, j'arrête de dessiner. Et en même temps, c'est tout aussi autour de justement d'un univers qui est quand même un peu grand guignolesque, un peu bon gore, si on voit le terme français. La chute, c'est quand même toujours la mort des personnages. C'est vrai. C'est un peu dans la veine, en fait, selon les référents, bon, avec les Itchin Scratchy, par exemple, des choses comme ça. Les Simpsons. Mais c'est un parallèle qui convient très bien, vu que. Le petit barbare, c'est l'avatar de Kid Paddle au départ quand il joue au jeu vidéo. Voilà, c'est simplement ça. Et ça finit toujours mal parce qu'au départ, quand Kid jouait, il n'arrivait jamais à terminer son niveau parce que soit sa sœur l'emmerdait ou parce qu'il y avait un événement extérieur qui venait le contrarier. Et donc, effectivement, ça se termine toujours assez mal. Et c'est ce genre de truc où, si on serait dans un autre style graphique, dans un style, par exemple, plus réaliste, ça passerait pas, ou ça passerait très différemment. Ben, si, ça pourrait, ça. Au second degré, ça pourrait. Oui. D'ailleurs, on a déjà essayé de faire des pages avec un style un peu plus réaliste, et Midam a fait faire des pages de Kid Paddle, par exemple, par des dessinateurs qui ont un style plus réaliste. Mais bon, c'est du second degré. Effectivement, si vous mettez un dessinateur... Ça change l'ambiance, ça fait. Ah oui, ça. Mais je vous dis pas le boulot pour dessiner un gag tout bête où le type se ramasse tout le temps à la fin de la page. Et en même temps, tout ça dans le contexte où, je pense, en termes de lectorat, c'est une, sinon, la BD muette la plus lue dans le franco-belge. Ah, nous, on dit que c'est la plus vendue au monde. Oui. Mais bon, je ne sais pas sur quel critère on se base. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de BD muettes. Il y a Lapin Crétin qui a fait son apparition il y a quelques années, qui lui marche très bien aussi. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de BD muettes, complètement muettes. Voilà, donc effectivement, on a un monopole. Et j'imagine en fait qu'au départ, dans un contexte comme ça, ça devait être difficile de dire, ben oui, on va faire une BD tout public, muette. Mais c'est pas né comme ça, parce que c'est pas une bande dessinée qui est née de l'intention de faire... C'est né un petit peu du hasard. Vous savez, Hachette avait fait le magazine Kid Paddle. Il a fallu nourrir ce magazine. Midam avait besoin de quelqu'un pour l'aider. J'ai commencé à travailler avec lui. Et voilà, on a fait les pages. Elles ont été publiées. Puis on s'est dit, on avait 60 pages. On s'est dit, mais on va en faire des albums. On a fait un album et ça a marché. Et puis la machine a été lancée. C'est très organique finalement comme machine, d'une certaine façon. Ça s'auto-nourrit, oui. Exactement. Puis après ça, dans le fond, avec le crowdsourcing aussi, justement, avec la proposition que vous faites au bout du compte au lecteur ou à d'autres scénaristes. De participer, ça donne une dynamique aussi, un échange particulier avec les femmes. Oui. En séance de dédicace, j'ai tous les scénaristes qui viennent me demander « Ah, moi j'ai fait cette page-là », donc il y a un échange très riche, c'est très amusant, quoi. C'est vraiment chouette. Oui, puis même pour vous, en fait, ça doit être... Ça ajoute à la variété, en fait, d'une certaine façon. C'est enrichissant, parce que, vu les contraintes dont on parlait tout à l'heure, au bout d'un moment, on se mord la queue, et alors, tout d'un coup, il y a un scénariste qui envoie un truc, et on se dit « Mais comment n'y a-t-on pas pensé ?» Simplement parce qu'on était fatigué de réfléchir tout le temps dans le même bocal. Et puis, il y en a un autre qui arrive et qui donne un grand coup d'oxygène comme ça effectivement, ça nous enrichit terriblement. Et de votre côté, quand vous avez plongé dans l'univers Kid Paddle, justement, pour venir épauler Midam, donc il y a eu, j'imagine, aussi tout un processus d'appropriation de cet univers-là qui de plus en plus est... Vous l'êtes approprié, vous l'avez mis aussi à, vous avez pris vos aises dans cet univers-là. Oui. Ben, au début j'étais l'assistant, donc il a fallu que je travaille à la mode de Midam, et maintenant ça va faire malgré tout 12 ans je crois que je travaille avec lui. Et effectivement, le petit barbare, j'ai l'impression, je ne veux pas offenser Midam s'il m'entend, parce que sinon il va... j'ai l'impression que c'est mon personnage par moment, quoi, que c'est vraiment ma propriété, pas intellectuelle, mais je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je m'amuse beaucoup en le faisant. Et on découvre évidemment ses contraintes, la résultante et le travail que vous faites derrière tout ça dans la série Game Over, entre autres, et dans l'univers Kid Paddle en général. Adam, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on va prendre une courte pause à venir. On discute avec Jean-Claude Fournier, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pour tout connaître et tout savoir sur le Salon international du Livre de Québec, écoutez Les Bouquins d'abord, animé par Barbel Rinck du 9 au 13 avril, de midi à 13h30. Biographie, essais, conférences, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. Le Salon international du Livre de Québec, sous la présidence d'honneur de Marie Laberge, accueille cette année un record de 1100 auteurs. Venez rencontrer vos écrivains préférés, Dany Laferrière, Alexandre Jardin, Marie-Claire Blais et plusieurs autres. Laissez-vous séduire par les nombreuses découvertes littéraires. Jeune lecteur ou lecteur aguerri, vous aurez l'embarras du choix. Plus que jamais, le Salon international du Livre de Québec vous propose de la diversité. Du 9 au 13 avril, au Centre des congrès de Québec. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier. Le marchand de quartier au service personnalisé. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 88 842 2734, pédalier.ca. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la Boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'Hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Un nouvel événement voit le jour. Les Nuits psychédéliques de Québec, les 10, 11 et 12 avril 2014. Stoner, musique indienne et plus. Le psychédélisme en musique et en images avec 15 groupes sur 3 jours dans 2 espaces immersifs et inusités. Billets en vente sur lepointdevente.com. Rendez-vous au complexe Le Cercle. Collaboration de CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec. 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cette émission vous est présentée en direct du Festival de la BD francophone de Québec. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, Raymond Poirier avec vous, encore pour une demi-heure. Oui, exceptionnellement, cette semaine, 90 minutes de vie en BD, puisqu'on est en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. J'en profite d'ailleurs pour mentionner les résultats des différents prix BDIS Causa, simplement pour vous dire que les albums qui ont été récompensés, il y a Ziane avec son album Les Deuxièmes, Fabien Dreuil, Xavier Hardy et Simon Leclerc avec l'album Nevada, tome 1, donc dans la catégorie premier album, Ziane, c'était la catégorie Ville de Québec. Pour les coups de cœur du jury, ils ont été donnés au Tyler Cross de Bruno et Fabien Nury, donc catégorie album francophone. Catégorie traduction, ça a été offert à Derf Bagderf et son album Mon ami Damar. Et enfin, le meilleur album d'un Québécois publié à l'étranger a été remis à Julie Rochelot pour son travail sur l'album Fantomas. Alors voilà, pour cette petite parenthèse sur les BDIS Causa, j'en profite pour le mentionner car justement, c'était remise à peu près en même temps que l'enregistrement de cette émission. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie de Jean-Claude Fournier, qui est de passage à Québec, donc on connaît entre autres pour son travail sur Spirou, sur Bizu, sur les Cranibales, sur les Chevaux du Vent. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, si on parle un peu de l'univers de Spirou, tiens, puisque c'est un peu, ça a été pour beaucoup en fait la porte d'entrée, je pense, dans le travail et dans l'atelier de Fournier également. Vous aviez décrit le fait de recevoir Spirou comme un passage du flambeau, un passage de la petite flamme, dans le fond, de vous et Franquin qui était un peu votre mentor, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que J.G., le premier, a passé une petite flamme à Franquin. Franquin me l'a passé, et puis moi je l'ai passé à d'autres, et qui continue à le passer à d'autres, qui les passe à d'autres. Ce qui fait que dans mon pays, la Bretagne, il y a maintenant 300 auteurs de bande dessinée, quoi. Pas uniquement par le biais de cette petite flamme, mais quand même pas mal, quoi. Et oui, c'est ça, je suis le seul à avoir eu l'énorme privilège d'apprendre le métier chez Franquin. Mais lui ne pensait pas du tout me donner Spirou, hein, c'est l'éditeur qui m'a donné Spirou. Oui, parce qu'il voyait en vous, j'imagine, une certaine filiation, dans la mesure où vous aviez appuyé le métier avec, ouais, Franquin, un partage de sensibilité peut-être. Oui, je pense que l'éditeur a dû sentir ça, parce que je n'ai jamais eu d'explication, vraiment. Hein. On ne m'a jamais vraiment dit pourquoi on me filait Spirou. Mm-hmm. Pour moi, ça a été un mystère. Alors, il y a des hypothèses qui sont émises par moi, par d'autres et tout ça, mais disons que je ne sais pas trop pourquoi. Et on ne sait pas trop pourquoi, ouais, vous l'avez perdu non plus. Ah si, ça je sais. Ça, vous le savez. Ah ouais, ouais. Et tout le monde peut savoir maintenant, en lisant le troisième album désintégral de Spirou par Fournier, c'est entièrement révélé. À part quelques petits détails que je garde encore pour quelqu'un qui écrit en ce moment ma biographie. Mais autrement, presque tout est révélé, quoi. C'est tout déballé. Et justement, cet univers-là, en fait, peut-être, comment vous l'aviez abordé? Est-ce qu'il y avait justement le sentiment, la volonté de poursuivre le travail de Franquin? Ou est-ce qu'au contraire, vous aviez la volonté simplement de vous amuser avec le personnage et de rapidement vous l'approprier? C'est un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que je continuais l'œuvre de Franquin parce que c'était ma bande dessinée depuis que j'étais enfant. Donc, quand je prenais cette série, il était normal que j'essaye de la continuer comme lui. Non pas en dessinant comme lui, parce que j'en étais bien incapable. J'étais un débutant, moi. J'étais un débutant qui prenait la succession d'un des plus grands dessinateurs du monde. Donc, évidemment, je ne pouvais pas faire de même dessin que Franquin. Mais par contre, dans l'esprit de ces séries, j'avais bien l'intention de continuer comme lui. C'est-à-dire en ne prenant pas mes petits lecteurs pour des imbéciles, quoi. Exactement. Mais en fait, d'aller chercher une espèce de réflexion souriante sur la société, de les amener à réfléchir, d'amener leurs parents à avoir quelque chose à jaser avec eux après la lecture de l'album. Ouais. Exactement. C'était vraiment ce que je voulais faire. Avec des moyens un peu plus complets que ceux que Franquin utilisait quand moi j'étais gamin, pré-ado, quoi. Parce que quand j'étais pré-ado, les enfants étaient beaucoup moins informés que maintenant. Maintenant, ils sont plus informés. Donc, quand on veut les aider dans leur réflexion sur l'époque, il faut aller un peu plus loin, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand je pense, quand j'avais 12 ans, j'ai lu un album de Franquin qui s'appelle Le Dictateur et le Champignon. Et ça a formé pour toujours le citoyen que je suis. J'ai appris la démocratie, j'ai appris ce que c'est que le totalitarisme, j'ai appris le fascisme, j'ai tout appris dans cet album-là. Et c'est le citoyen que je suis devenu. Je le dois à cet album de Franquin. Donc moi, quand j'ai continué à faire Spirou, il était bien évident que j'estimais normal de continuer dans la même voie. Et j'ai traité comme ça d'un tas de sujets, la xénophobie, le nucléaire, le trafic d'armes et de drogue. Enfin, j'ai vraiment essayé d'aborder un tas de domaines sans être emmerdant. Oui, puis en fait, de pouvoir rendre aux enfants, dans le fond, qui lisaient vos albums et aux jeunes qui lisaient vos albums, le même service que Franquin vous avait donné jeune quand vous lisiez ses albums. Exactement. D'une certaine façon. Exactement. Avec moins de talent, mais bon, chacun a ses moyens. Et au niveau des albums, vous avez mentionné le nucléaire. Je pense que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de lecteurs, en fait, il s'agit simplement de regarder la couverture pour se rappeler la lecture qu'on a eue de cet album-là. C'est Lankou, je pense, qui est parmi, en fait, du moins, c'est parmi ceux des albums que vous aviez offerts que j'avais préféré à l'époque. Je trouve le métissage, justement, entre l'univers mythologique et l'univers actuel, la réflexion actuelle était vraiment bien réussi. En fait, je me permets de vous le dire puisque je peux le faire. Mais qu'est-ce qui vous avait amené un peu sur ces pistes-là? Ah, c'est très compliqué. Mais disons que moi, j'étais très content de sortir ce truc-là parce que c'est d'abord, en tout premier, un hommage à ma grand-mère qui était une conteuse. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère me foutait des soirées épouvantables en l'air en me racontant les histoires de Lankou et tout ça. J'avais des jetons, j'avais très peur, quoi. Donc, c'est un peu un hommage à ma grand-mère. Et puis, en plus, ensuite, c'est un peu une... c'est un peu vicieux comme procédé parce que ça parle du nucléaire d'une façon pas très positive, mais je la lis. Je lis cette notion de nucléaire à la notion de la mort, parce que Lankou, c'est le valet de la mort. C'est un peu vicieux comme système, ça m'a été beaucoup reproché, mais bon, le lectorat s'en satisfait puisque c'est l'album qui marche le mieux et dans toutes les langues. Donc ça doit plaire. Et c'est celui qui me plaît le plus aussi à moi, évidemment. Donc c'est, au moins, moi, c'est agréable, c'est celui que vous préférez qui s'est retrouvé finalement le plus lu aussi, au bout du compte. Mais c'est une règle générale, de toute façon. Quand on prend vraiment son pied à faire un album, on sait qu'il va marcher. Enfin, pas forcément faire un best-seller, mais il va plaire au public, quoi. C'est clair. Et en termes d'état d'esprit, évidemment, vous êtes beaucoup associé à Spirou, les années Fournier et le reste. C'était quand même en début de carrière pour vous. Au bout du compte, vous aviez commencé relativement récemment, en fait, à vous plonger dans l'univers de la BD avec Bizu avant et autres. Disons que ça doit faire une dynamique particulière ensuite, après l'après Spirou, dans le fond, d'avoir parti avec ce personnage-là, d'être marqué avec des albums de début de carrière, au bout du compte, comme ça, tout en continuant de se développer, évidemment, puisque vous êtes ailleurs en termes de travail de dessin et de travail de BDiste aussi depuis. Ouais, mais j'ai une chance incroyable, quoi. C'est-à-dire que on m'a confié ce personnage qui était extrêmement célèbre, et en faisant ça, on m'a propulsé en haut de l'affiche tout de suite, quoi. C'est-à-dire, j'ai été immédiatement parmi Maurice, comme Roba, Franquin, Peyot, tous les grands de la bande dessinée, Goscinny, tout. J'étais parmi eux tout de suite. C'est les gens que je rencontrais dans les rigolades qu'on faisait ensemble, dans les voyages, dans les tournées de signatures. C'est dingue. J'étais un débutant et je me suis trouvé parmi les plus grands qui sont devenus mes copains, quoi. C'était des gens qui étaient mes idoles quelques années avant, qui sont tout d'un coup devenus vraiment mes potes, quoi. Et ça stimule, quoi. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, moi, j'ai bossé les doigts dans le nez, si j'ose dire. Quoi qu'on peut pas, en dessinant, avoir les doigts dans le nez, c'est un peu compliqué. Mais, c'était une chance inouïe que j'ai eue. Inouïe. Et en même temps, j'imagine une certaine pression parce que, reste que si vous l'avez gardé quand même assez longtemps, cette série, c'est parce que vous livriez à marchandise. Est-ce qu'il y avait une pression de dire, les attentes sont à ce niveau-là, j'ai été propulsé justement dans ces astres-là rapidement, donc il faut que je livre la marchandise aussi au niveau. On m'a toujours laissé faire ce que je voulais. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que si l'éditeur m'avait dit plus tôt qu'il y a des choses qu'il avait à me reprocher, j'aurais peut-être pas arrêté de faire Spirou. Non, mais j'ai jamais ressenti de pression. De toute façon, moi, je ressens jamais de pression dans la vie, de toute manière. Moi, j'adore vivre et rigoler, donc ça s'est passé pour moi très simplement. Quand je repense maintenant à cette chance que j'ai eue et la façon dont je l'ai traitée, cette chance, je me dis, mais attends, j'étais cinglé, quoi. Parce que j'ai jamais pris ça au sérieux. J'ai toujours pris ça à la rigolade. J'ai continué à dessiner Spirou comme je faisais les petits dessins pour les copains depuis que j'avais 15 ans, quoi. J'ai jamais pris ça au sérieux. J'ai jamais eu une démarche professionnelle. La démarche professionnelle, je ne l'ai curieusement que depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai entamé les Cranibales. Alors que les Cranibales, vraiment, c'est un dessin hyper simplifié et tout ça. Ben non, là, j'ai commencé à avoir une démarche professionnelle. C'est drôle. Je suis pas normal. Donc c'est en cours de travail, finalement, on a acquis les processus, enfin, on acquiert toujours, de toute façon, j'ai l'impression, en BD, le métier continue de s'acquérir et l'apprentissage ne se termine jamais Ça, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est que moi, j'ai jamais l'impression de travailler, hein, mais c'est quand même 11 heures par jour à ma table, quoi. Mais le jour, quand j'ai un peu l'impression de travailler, je pose mes trucs, je pars faire des photos, faire du bateau, jouer la cornemuse, je n'insiste pas. Quand ça vient pas, ça vient pas, c'est tout. C'est pas la peine de s'énerver. Je veux pas avoir l'impression de travailler. Mais autrement, c'est à peu près 10, selon les jours, 10 à 12 heures à ma table de dessin, quoi. Avec des fois un mal fou à m'arracher même pour aller manger, alors que j'adore manger. C'est ça. Mon boulot, je le prends vraiment au sérieux que depuis une quinzaine d'années. Et en même temps, en fait, la notion de plaisir est est évidemment au centre de votre travail aussi. Et j'ai l'impression de vos collaborations, c'est un peu l'amitié aussi dans les collaborations que vous avez avec des scénaristes, avec Christian Lax, avec Zidrou, avec d'autres. Ouais, et Chris maintenant. Mais ça, je peux travailler que dans l'amitié. Ça, c'est clair. Pas question de ne pas connaître, de ne pas aimer profondément mon scénariste. Non, évidemment, c'est hors de question. Donc, ça amène un grand climat de confiance, quoi. Je peux prendre des libertés avec le scénario, avec les dialogues, dans une certaine mesure. Et donc, je ne vais pas tout transformer, mais il me fait confiance totalement. Je peux changer des choses. Je suis très libre quand l'amitié permet la liberté. Oui, puis en même temps, donc la confiance, en sachant que vous allez livrer ce que vous allez bien mettre en scène, dans le fond, leur scénario, leur proposition. Ouais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand ils me livrent des scénarios, je dis bien attention. La scénographie, c'est ma partie. Vous faites le texte, les dialogues, que je change un peu quelquefois, où je rectifie les fautes d'orthographe surtout. Et puis, mais par contre, la scénographie, c'est moi. Ça, c'est mon truc. J'ai fait du théâtre autrefois et la mise en scène, c'est mon truc. Ils ont parfaitement compris, donc ils me donnent aucune indication scénique. Quand il y en a une, sauf quand il y en a une qui leur paraît absolument évidente et nécessaire, quoi. Mais c'est très rare. Et en même temps, au fil de ces albums-là, de ces collaborations-là, au niveau stylistique, si on regarde Bisous, si on regarde Spirou, si on regarde les Cranibales, si on regarde les Chevaux du Vent, on sent, j'ai l'impression, une volonté que vous avez, Jean-Claude Fournier, de vous réinventer aussi, de pas vous encarcaner dans un style, mais d'expérimenter de manière, en changeant parfois du tout au tout, là, ce que vous faites. Ouais. J'aime bien les défis, moi. J'adore. J'aime bien remettre en question parce que, enfin, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas rester dans le même style toute leur vie. J'ai des copains qui restent dans le même style et qui dessinent de la même façon, avec quelques améliorations, mais qui dessinent de la même façon pendant 40 ans de carrière. Chacun a son tempérament. Moi, j'ai absolument besoin de me remettre en question, de me lancer des défis. Et c'est ce que j'ai toujours fait, quoi. Et ça m'a porté chance, en tout cas, ça m'apporte du plaisir et ça entretient ma passion, quoi. Oui, ça évite de se lasser d'une certaine façon. Ouais, absolument. Mais en même temps, est-ce que parfois vous êtes assez critique envers ce que vous faites? Vous dites, ben regarde, non, ça c'est... Je voulais faire autre chose, finalement, on met de côté, puis on 100 fois on remet son travail, dans le fond, puis on se donne le luxe aussi de prendre le temps, justement, de vraiment expérimenter, travailler pour pouvoir réinventer, pouvoir explorer pour réinventer son style avant d'attaquer un nouvel album ou des choses comme ça? Je fais pas d'exploration pour trouver mon style, ça non. Mais par contre... Comme je disais tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années, c'est vrai que je travaille à fond toutes les scènes, je travaille à fond mes scénarios images, mes dialogues et tout. Je travaille ça très très sérieusement, ce que je faisais pas du temps de Spirou. Donc voilà, c'est un boulot de remise en question, jour après jour, presque heure après heure, quoi. Mais mon boulot est fait maintenant très très sérieusement. Et qu'est-ce que fait le déclic, justement, il y a 15 ans, que vous vous êtes dit, ben OK, faudrait que je m'organise un peu plus? Est-ce que vous avez réussi à dire, OK, il y a un événement, il y a quelque chose, ou c'est venu tout naturellement qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, je suis organisé? Non, c'est venu naturellement en dessinant les Cranibales. Parce que les Cranibales, j'avais une telle liberté graphique qu'il fallait que je me modère, quoi. Il y a des dessins de Cranibales qui ont été très, très difficiles à imaginer, quoi. Et ça nécessitait de ma part une très grande recherche. Beaucoup de recherches, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est également un grand plaisir que de travailler une image. Jusque-là, j'avais fait ça à la rigolade. Et là, tout d'un coup, je travaillais des images. Et j'ai pris mon pied, quoi, pour travailler des images. Et maintenant, c'est vraiment un plaisir permanent, quoi. Je vois le nombre de croquis que je fais pour une case maintenant, avec la nouvelle série que je fais avec Chris, là. Et c'est incroyable, quoi. Je fais vachement de croquis de recherche, quoi. C'est ce que j'apprends aux mecs et aux jeunes qui viennent dans mon atelier, d'ailleurs. C'est vraiment se remettre en question sans arrêt. Et justement, pour vous, parce que c'est un autre élément qu'on remarque beaucoup quand on regarde un peu votre travail, quand on lit aussi, ben justement, dans l'atelier de Fournier, donc ce livre qui a été fait un peu sur votre filiation d'auteur aussi. Vous l'avez mentionné au départ, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés par votre atelier pour apprendre le métier, qui ont ensuite appris le métier à d'autres. Et j'imagine qu'il y a un plaisir comme ça à servir de mentor, à accompagner un peu cette relève-là, à servir de grand frère, entre guillemets. Ben c'est ça, voilà. On me dit souvent, vous avez été le prof de Lepage, de Plessis et tout ça. Non, j'étais le grand frère, parce qu'à l'époque, j'avais 30 ans, ils en avaient 14 et 15. Et j'ai jamais prétendu être un prof, quoi. Et c'était beaucoup plus un échange dans mon atelier. D'ailleurs, j'appréciais pas trop quand Lepage ou quoi, n'était pas d'accord avec ce que je disais, mais c'était beaucoup plus un échange, quoi. Voilà, c'est vrai, le terme de grand frère, c'est un peu celui que Franquin utilisait avec moi et que moi j'utilise avec eux, quoi. Donc vous avez choisi un peu de reproduire encore là ce qui vous avait été donné de repasser à d'autres, de le rendre à d'autres générations. Oui, absolument, oui. Après ça, j'imagine que ça doit être satisfaisant ou ça doit être agréable de voir des gens transmettre ce qu'ils ont appris chez vous à d'autres et de voir que votre approche... C'est génial. C'est génial. Surtout que c'est tous des gens qui sont passés par mon atelier, qui avaient tous des styles différents. Donc, j'en prenais jamais deux en même temps ensemble, parce que je voulais pas dire à l'un un message que l'autre ne devait pas entendre, quoi. Donc, j'essayais de trouver un équilibre incroyable pour ne pas aller à l'encontre. J'avais imposé mon style de dessin, par exemple. Tous ceux qui venaient chez moi, je voyais avec eux un cours sur la narration graphique, la narration BD, mais pas du tout leur style de dessin. Leur personnalité, j'en tenais le plus grand compte, et je l'aime respecter à fond, quoi. Papa, parce que c'est cette personnalité-là qui permet justement au dessinateur de se démarquer. Absolument. Si on tue sa personnalité, on l'homonymise. C'est tout à fait ça. Et en même temps, pour vous, j'imagine qu'au contact, justement, de voir un peu ces différents éléments-là, ça doit être inspirant aussi pour le grand frère, entre guillemets. C'est ça, ce que je disais, c'est un échange, quoi. Mm-hmm. Et des fois, je découvrais dans leurs dessins, souvent des dessins de débutants un peu maladroits, mais tout d'un coup, quelque chose à quoi j'avais pas pensé. Et des fois, vicieusement, j'aurais piqué des idées, quoi. et parallèlement, vous avez été aussi instrumental dans le développement de la BD en Bretagne. Vous l'avez mentionné, vous êtes arrivé, vous étiez le premier. Vous êtes quoi, à peu près 300 auteurs à travailler en Bretagne. Il y a le deuxième plus important festival aussi de France, Comptabule, Quai des Bulles, qui est à Saint-Malo, que vous avez travaillé aussi à développer. J'imagine que ça doit être agréable aussi d'avoir mis en place un événement et de voir qu'il a pris une ampleur, qu'il a pris une importance qui est quand même très large, très majeur, en fait, aujourd'hui. C'est un peu comme quand on fait un enfant et qu'il réussit dans la vie, quoi. C'est un peu ça que j'éprouve avec le Festival de Saint-Malo. et dans le festival, d'ailleurs, vous avez développé beaucoup d'animations, exploré, justement, pour proposer des spectacles, pour, entre guillemets, sortir la BD des planches. Exactement. Pour montrer que des auteurs de BD peuvent aussi faire d'autres choses et rencontrer d'autres modes d'expression, quoi. Voilà. Donc là, on parle, je suppose, du conte à bulles, quoi. Exactement. Et là, c'est la rencontre du conte, de la musique, du dessin et de la vidéo, parce que la vidéo pour moi est un art complet aussi, quoi. Et c'est la rencontre de ces quatre moyens d'expression qui permettent de monter un spectacle qui est toujours très passionnant. Et qu'est-ce qui fait l'importance, en terminant, Jean-Claude Fournier, justement, de ce type de métissage-là pour vous? Parce que je suis un œcuméniste, pas religieux, mais je suis un œcuméniste général, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié doit être partout, quoi. L'amitié, la rencontre doit toujours prévaloir sur tout. Et donc, il n'y a rien de pire que de s'encarcaner dans sa pratique. Surtout pas. Donc, le conte à bulles que vous avez mentionné, justement, il est présenté la version Québec, dans le fond, avec des auteurs d'ici, présenté demain en après-midi au Musée national des beaux-arts du Québec. Et des attentes particulières de votre côté ou... J'ai un trac énorme. Oui, je sais, j'ai confiance, c'est pas ça, mais c'est comme quand je faisais du théâtre, j'avais les jetons avant que ça commence, quoi. Il n'y a pas de problème, je ne peux rien faire contre. Alors, on découvre ça. Et évidemment, on en profite pour retourner, que ce soit dans les albums de Spirou, que ce soit vers les Cannibales, que ce soit vers les Chevaux du Vent, en attendant donc les projets à venir aussi. Jean-Claude Fournier, merci beaucoup. Merci, Raymond. Et nous, on repart en musique. We'll be right back. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et dernière ligne droite, et tel que mentionné en début d'émission, on s'amuse aussi à faire des passages entre auteurs d'expérience, auteurs de légende et auteurs de la relève, créateurs de la relève. Et notamment, on va porter un regard sur une exposition qui est présentée jusqu'au 3 mai du côté du Foubar. Une exposition qui s'appelle « Héros de la bande dessinée ». Et l'homme qui est derrière cette expo-là, c'est Miguel Bouchard. Bonjour. Salut, salut. Alors, une exposition sur les héros de BD, pourquoi? Pourquoi? Ben, ça fit un peu dans l'ambiance, en plus du festival. Puis aussi, parce que c'est un bon défi, étant donné que souvent, la bande dessinée, c'est quand même un truc qui est très comme enfantin de base, mais en même temps, de relever le défi en tant qu'adulte, c'est quand même une belle recherche, étant donné qu'on veut pousser plus loin les limites d'une recherche qu'à la base, c'est les adultes qui essaient de créer pour les enfants. Je dis, en tant qu'adulte, on veut pousser ça plus loin, fait que... Et puis en même temps, c'est un peu un retour aussi sur l'enfance, que c'est des héros, j'imagine, qui ont marqué ton adolescence, à tout le moins. Oui, ça c'est sûr. T'sais, c'est comme, en fin de compte, un rêve que tu participes, mais en tant que tranche, étant donné que mon exposition, c'est 7 super-héros que j'ai comme essayé d'aborder dans 4 aspects différents. C'est comme si je retournais en enfance, et en même temps, t'es comme un enfant adulte, étant donné que tu te dis, bon, j'ai un public cible, mais j'essaie de pas trop déborder, étant donné que je m'amuse trop. Et là, c'est toujours, en fait, c'est... J'imagine, surtout quand on travaille avec le dessin, quand on est un passionné de dessin, quand on lit une BD, on s'imagine un peu comment on dessinerait ce personnage-là. Puis souvent, en fait, quand on parle de Wolverine, quand on parle de Hulk, de Batman, mais c'est pas tout le monde qui va avoir l'opportunité de les dessiner pour vrai ou de présenter au public le travail qui est fait autour de ces personnages-là. Ben, je pense que le but, c'est de triper, simplement. C'est comme si que... Moi, c'est ma 8e exposition que je fais en ce moment. Puis je me suis dit, je vais me permettre de triper à fond. Puis il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient fait des commandes, puis à chaque fois j'y refusais parce que je me suis dit bon, c'est correct là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment certains clichés au niveau de la bande dessinée. Puis moi, ce que je veux, c'est promouvoir la bande dessinée en général. En réalité, à l'origine, mon exposition était censée de promouvoir les héros de la bande dessinée, mais les vrais héros, c'était les héros québécois. J'aurais voulu faire le personnage de Michel Falardeau, le personnage de Paul de Michel Abraigliati avec les Paul. C'était ça la base de mon exposition, mais étant donné que j'avais juste un mot, Thomas Ducôté m'a un peu pris de court. J'avais juste un mot pour tout produire, fait que j'ai été obligé de rediriger mon exposition en me disant, OK, c'est correct, je vais essayer de le faire vers de quoi que je serais capable de faire en un mois. Mais en réalité, les vrais héros de la bande dessinée, c'est pas les vrais super-héros qu'on connaît tous, sinon les vrais héros, c'est tous les héros qui ont du cœur en ce moment, qui font comme vivre la bande dessinée, comme Michel Falardeau, Francis Desharnais, Sviane, Iris, tous les auteurs québécois que je trouve que c'est eux les vrais héros et non les super-héros qu'on connaît aujourd'hui, mais parfois les contraintes de temps fait qu'on prend des décisions. Puis, mais ça, pour l'année prochaine, peut-être? Pour l'année prochaine, c'est vraiment un excellent truc que je pourrais vraiment me permettre. Tous les héros, j'aurais vraiment comme deux cordes avec les auteurs versus... les héros vraiment de la bande dessinée, ce qui veut dire genre qu'est-ce que eux nous animent. Iris avec ses personnages, Michel Falardeau avec ses personnages aussi, les nombris, tout en réalité, ce qui fait vraiment le cœur de la bande dessinée, c'est ce qui est en ce moment vivant aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes m'ont attaché la bande dessinée avec Tintin, avec Astérix, Obélix, tout. Oui, c'est une belle genèse, mais en ce moment, le cœur de la BD, tant que moi, c'est ce qui est vivant en ce moment. C'est ce qui fait que tout le monde passe. C'est ce qui fait que je regarde Michel Falardeau, puis que comme des étoiles dans les yeux, je le regarde, j'aimerais vraiment faire ce qu'il fait en ce moment. Tant que moi, c'est ce qui fait le héros de la bande dessinée. Tous les auteurs qui en ce moment qui sont vivants. C'est ce qui motive aussi ceux justement qui sont en train de développer. Bon, toi, tu collabores notamment au recueil Front Froid. Oui. On a vu des publications. Tu t'animes aussi justement ton travail. Et donc, dans le fond, ça anime les auteurs à venir à justement pouvoir essayer de proposer des publications, de proposer des projets. Oui, le but, c'est que la bande dessinée en général, c'est un cœur. Tous ceux qui participent au cœur font vraiment genre la vibe de la bande dessinée québécoise. Puis je pense autant les auteurs que ceux aussi comme Julien Paris-Sorel aussi, qui fait autant d'activités que de bande dessinée, que lui, c'est comme un tournant incroyable de la bande dessinée québécoise, comme tellement de personnes, tu sais, qui sont, tu sais, autant les éditeurs aussi, avec Luc Bossé, avec, tu sais, c'est, je trouve que les héros, en réalité, c'est pour ça que j'ai pas dit les super-héros de la bande dessinée, j'ai parlé des héros de la bande dessinée, parce qu'en réalité, les héros, c'est ceux qui travaillent, et non les personnages. Fait que là, j'ai manqué de temps, mais en réalité, ma thématique est tellement puissante au niveau de son contenu, parce que Les héros, c'est ceux qui travaillent, et non ceux qui composent la BD, parce que c'est juste du cœur de travail. Et pour compenser peut-être un peu cette réorientation de concept-là, tu as choisi, tu l'as mentionné tout à l'heure, de présenter dans différentes facettes les héros, les personnages que tu présentais, de les présenter dans un contexte rétro, d'essayer à tout le moins de les travailler différemment, justement, au-delà de l'archétype. Oui, qui représente. J'avais quatre directions. Chaque super-héros avait comme un cadrage différent. Ça veut dire que je montrais le scalp d'un super-héros, ce qui est extrêmement peu commun. Mm-hmm. Fait qu'on est capable de reconnaître autant Wolverine que Captain America, juste uniquement par le scalp, étant donné que c'est tellement des héros connus qu'on est capable, tu défaces complètement le cadrage, puis tu comprends, en fait, la nature du héros, ce qui est vraiment assez surprenant. Mais c'est un risque, ce que j'ai pris, mais ça a super bien fonctionné. Ensuite, j'avais genre la pose en action, la pose héroïque, j'avais une pose... très genre funny, anodin. Toutes les funny anodins sont vendues extrêmement rapidement. Puis je n'ai fait en fait compte deux orphelins dans mon exposition qui étaient des personnages que j'ai fait. En réalité, je trouvais que c'était très anodin. Il y a beaucoup de personnes qui aimaient. J'ai fait à cause de Valmorency. Elle m'a provoqué. Elle m'a dit est-ce qu'il va y avoir des filles dans ton exposition? Je vais être OK. Fait que j'ai fait Catwoman. Puis quand je l'ai terminé, il y a déjà quelqu'un qui me l'a acheté. J'ai fait oh yes! Puis en réalité, c'était comme. C'est tellement un défi entre moi et Valmorency. Valmorency, la prochaine expo qu'elle va faire, il va avoir des hommes et des robots. Alors, c'est un défi à venir. Hein, et Miguel Bouchard, tu mentionnais, c'est ta 8e exposition. Donc, oui. C'est vraiment fait. J'ai l'impression pour toi, à chaque festival, c'est un peu un rendez-vous pour toi de te donner un défi, d'essayer de produire, de proposer quelque chose comme oui, ça. Oui, parce que c'est comme, en fin de compte, une des raisons pour que je le fais, les rôles de bande dessinée, c'est que c'est un regard très anodin en direction du dessin. Parce que le dessin, c'est quelque chose qui est souvent comme oublié dans la bande dessinée. Puis le dessin, je trouve que c'est quelque chose qui est très mis de côté. Parce que on va parler de la bande dessinée en tant qu'œuvre finale, mais le dessin est vraiment vivant, l'original, et non en tant qu'imprimé. L'original, souvent, c'est la première question qu'on bouge. Hein. C'est vraiment comme, est-ce que c'est un original? Moi, je me dis, ben oui, justement. Mais le monde, on dirait qu'ils ont peur de penser que c'est quelque chose que quelqu'un peut être fait de vrai. Parce que maintenant, on dirait que l'imprimé ou l'informatique est tellement trop présent que l'original perd un peu de sa valeur. Je suis comme, oui, c'est, tout est des originaux, puis c'est impressionnant à quel point... Oui, puis c'est pensé pour l'exposition, oui, en fait, c'est pas... Ce qui est difficile avec l'exposition originale, c'est un peu comme une mise à nu, étant donné que tous mes cadrages sont croches, je pourrais tout les recommencer 15 fois, mais une année, c'est de dire, OK, c'est correct, c'est beau. Là. Je peux pas les recommencer 15 fois chaque. Là. Fait que c'est un risque. Et on découvre ça donc jusqu'au 3 mai. C'est du côté du Foubar, dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Faubourg qui est d'ailleurs largement aux couleurs de la bande dessinée dans le cadre du présent festival. Miguel Bouchard, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les balado-diffusions d'autres éditions de La Vie en BD sur notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Je vous invite également à visiter mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous cette semaine en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. C'est Raymond Poirier au micro, Frédéric Rondeau à la mise en onde, et merci à toute l'équipe de CKRL pour cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine.